n'atteint jamais la Creuse. Il serait bon que l'on se creuse pour faire comprendre à certains que même si je n'atteins jamais la Creuse, je courrai toujours la gueuse, ma guitare nouée à mes mains. Et même si tout le monde me jette la pierre, elle ne franchira pas la barrière du monde parallèle où je me tiens, du monde parallèle où je me tiens. Même si je n'atteins jamais la Creuse, je rendrai ma famille heureuse en la réveillant le matin. Et même si je n'atteins jamais la Creuse, mes oreilles seront amoureuses du fuzz craché par Led Zeppelin. Et même si je sais que jamais ça ne vendra et que Madame Dupont-Durand n'aimera pas, je chanterai pour deux, pour trois, pour un. Avant que d'avoir trop de plaintes de mes voisins. Même si je n'atteins jamais la Creuse, je passerai des vacances heureuses, ma guitare, moi et mes chiens. Et même si je n'atteins jamais la Creuse, y a des conserves pas trop affreuses qui me feront bien un festin. Même si tout le monde me jette la pierre, ah, ça tombe bien, mon monde, c'est celui de pierre. Et avec, je paverai mon chemin. Et avec, je paverai mon chemin. Même si je n'atteins jamais la Creuse, si je n'atteins jamais la Creuse, si je n'atteins jamais la Creuse, si je n'atteins jamais la Creuse, si je n'atteins jamais la Creuse, si je n'atteins jamais la Creuse, si je n'atteins jamais la Creuse, si je n'atteins jamais la Creuse, si je n'atteins jamais la Creuse, si je n'atteins jamais la Creuse.